إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين بإذن الله. في هذه الدقائق المحدودة قبل أذان العشاء نكمل ما تبقى أو ما تيسر من درسنا الذي كان بعنوان محاسن الإسلام. Donc dans les quelques minutes qui restent avant que l'adhan de l'Aïcha retentisse, nous allons essayer de finir et de parler des quelques points que j'avais préparés sur Mahasinu al-Islam, c'est-à-dire les bienfaits et les mérites de l'Islam. La dernière chose que nous avions citée, c'était que l'Islam donc est une religion de facilité et de commodité, et on avait donné quelques exemples à cela. Le huitième point est que l'islam huwa dinu samahati wa adami al-ikrah. L'islam est une religion de tolérance et de non-contrainte. L'islam est une religion de tolérance et de non-contrainte. Au début de ce cours, nous avions dit que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran n'accepte aucune religion après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam sauf l'islam. Comment le musulman doit-il se comporter par rapport aux gens des autres religions? En ce qui concerne les religions célestes, le judaïsme et le christianisme, le musulman, il croit en ces deux religions. Du fait que le judaïsme, c'est la religion avec laquelle est venu Moussa alayhi salam, et le christianisme est la religion avec laquelle est venu notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Isa alayhi salam est parmi les piliers de cette religion, parmi les piliers de la foi musulmane, le fait de croire en tous les prophètes. Le musulman y croit en tous les prophètes et en tous les messagers. Allah il dit dans le Coran la nufarriqu bayna ahadin min rusuli. C'est-à-dire nous ne faisons pas de différence entre les prophètes, contrairement aux autres religions qui croient en certains prophètes et refusent de croire en d'autres. Et celui qui refuserait de croire en un seul des prophètes, quel qu'il soit, c'est comme s'il avait cru en tous les prophètes. Si tu refuses de croire en la prophétie d'un seul prophète, c'est comme si tu avais cru en tous les prophètes. Vous remarquerez qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Shu'ara « Kazzabat qawm Nuhin al-Mursalin » Le peuple de Nuh a mécru aux prophètes. Ou bien le peuple de Nuh a mécru aux messagers. Et qui est le premier messager? Nuh alayhi salam. Le fait qu'ils aient refusé de croire en Nuh lorsqu'il est venu avec son message, Allah subhanahu wa ta'ala a statué à leur sujet qu'ils ont mécru en tous les prophètes. كذبت قوم نوح المرسلين يعني كلهم. Du fait qu'ils aient mécru à un seul des prophètes. Également, donc l'islam est une religion d'appel. Chaque musulman espère appeler le plus de personnes possibles à l'islam. Et le musulman est très content lorsque la communauté musulmane s'agrandit. Le musulman, il faut qu'il soit heureux lorsqu'il voit que la communauté musulmane s'agrandit. Mais est-ce que le musulman peut-il contraindre une personne à croire en Allah subhanahu wa ta'ala? La contrainte à cela, Allah subhanahu wa ta'ala l'a refusé. Il dit dans surat al-Baqarah, la ikraha fid-din, aucune contrainte en religion. Au contraire, si une personne est contrainte à croire et montre qu'elle croit dans son apparence, mais qu'en vérité, dans son intérieur, elle refuse de croire à cela, son islam n'a aucune valeur. Car donc ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin » Est-ce que tu crois? Est-ce que toi, ô Muhammad, tu contrains les gens jusqu'à qu'ils soient croyants? Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui guide les cœurs. Le musulman n'a que à appeler les gens à suivre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les exemples également qui prouvent l'indulgence et la tolérance de l'islam, ce qui est rapporté dans Al-Bukhari ou Muslim, et ça pourrait servir à certains frères, Asma bint Abi Bakr radiyallahu anha atat ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qalat lahu ya rasul Allah إن أمي أتتني وهي مشركة. إن أمي أتتني وهي مشركة وهي راغبة في صلتي. يعني تريد مني أن أصلها. أسماء رضي الله عنها فهمت أن الإنسان إذا دخل في دين الإسلام لا يجوز له أن يصل الكافر. فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة أفأصلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمك. نعم صلي أمك. Un exemple également qui prouve la tolérance de l'islam, أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما, un jour est venue voir le prophète صلى الله عليه وسلم et lui a dit que sa mère était venue donc à Médine pour lui rendre visite. C'était au moment de la trêve entre les musulmans et les associateurs, entre le Hudaybiyah l'année 6 et le Fetr l'année 8. Et donc elle pensait, Asma radiallahu anha, que lorsque le musulman rentrait dans l'islam, il devait couper les contacts avec même ses propres parents qui étaient associateurs. Donc elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander est-ce qu'elle pouvait rendre visite à sa mère, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit na'am sili ummaki, rends visite à ta mère. Et à ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset de surat al-mumtahana la yanhaakum allahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne vous interdit pas d'être bon avec ceux qui ne vous combattent pas et ne font aucun effort pour vous sortir de vos demeures. Soyez bons et justes avec eux, car Allah subhanahu wa ta'ala aime les gens justes. En ce qui concerne la contrainte, l'islam compte tout acte commis sous la contrainte comme non comptabilisé. Si la personne est contrainte ou menacée de commettre un péché, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui en tiendra pas grief. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit comme dans Sahih ibn Hibban, min hadith Abdullah ibn Abbas, إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه فما فعلته بالخطأ فإن الله سبحانه وتعالى يؤاخذك على ذلك وما فعلته بالنسيان فإن الله سبحانه وتعالى برحمته لا يؤاخذك عليه وما فعلته كذلك تحت الإكراه فإن الله سبحانه وتعالى كذلك من عفوه ورحمته لا يؤاخذك على ذلك سبحانه وتعالى. Donc toute chose commise par erreur, par oubli ou par contrainte, qu'est-ce qu'on veut dire par la contrainte? C'est-à-dire qu'une personne viendrait nous contraindre à faire telle ou telle chose sous la force. Si la personne commet un péché de cette manière, Allah subhanahu wa ta'ala, de sa miséricorde, ne nous en tiendra pas grief. Le neuvième point, l'islam est la religion de l'égalité entre les hommes. L'islam est la religion de l'égalité entre les hommes. Allah dit dans sourate Al-Hujurat, يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد رحمه الله يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد يعني آدم عليه السلام ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. L'islam donc est la religion de l'égalité entre les hommes. Et si le musulman veut vraiment se démarquer et avoir une grande valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'il fasse preuve de piété, at-taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans surat Al-Hujurat, ô les hommes, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et on a fait de vous des peuples et des tribus afin que vous vous auto-reconnaissiez. Allah dit ensuite, le plus noble d'entre vous est celui qui craint le plus Allah. Le plus noble d'entre vous est celui qui fait preuve de plus de piété. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, ô les gens, votre Seigneur est unique et votre Père est unique, c'est-à-dire Adam alayhi salam. Il n'y a pas de mérite pour l'arabe au-dessus du nom arabe. Et également, il n'y a pas de mérite pour l'homme blanc par rapport à l'homme noir, et également pour l'homme noir par rapport à l'homme blanc, sauf par la piété. Le hadith est rapporté par Imam Ahmed. Wa yaqulu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kadhalika kama fi as-sahih, man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. En peu de phrases, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en quelques mots, il nous a montré le fait que d'avoir une lignée ou bien une descendance noble ne sert à rien si cela n'est pas accompagné de bonnes œuvres. Il nous dit, celui qui est retardé par ses œuvres, c'est-à-dire qu'il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas sa lignée qui le fera avancer et se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit dans le Coran, وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا. Et chacun aura les degrés dans l'au-delà par rapport à ce qu'il a accompli donc dans ce bas monde. Également, parmi les choses qui prouvent que la personne n'a de valeur que par ses actes et que par sa piété, le hadith rapporté par Al-Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit le jour de la résurrection. Et parmi les choses qui auront lieu, yawm al-qiyama, ce qu'on appelle as-sirat, wa huwa jisrun ala matni jahannam, ce qu'on appelle donc un pont qui sera au-dessus de l'enfer et où les gens passeront. Et les gens passeront en fonction de quoi? En fonction de leurs œuvres. Il y aura des gens qui passeront ce pont comme d'un clin d'œil. La même vitesse que lorsque tu clignes avec tes paupières, il y a des gens qui traverseront ce pont. D'autres qui traverseront ce pont tel un éclair. D'autres qui traverseront ce pont tel le vent. D'autres qui traverseront ce pont tel un cavalier à cheval. D'autres comme un cavalier à chameau, c'est-à-dire un peu plus lentement. D'autres qui courront, d'autres qui marcheront, et d'autres qui ramperont, et d'autres qui, ayazan billah, tellement ils auront peu d'œuvres accomplies dans ce bas monde, ils seront tirés vers l'enfer. Car donc il y aura des crochets qui viendront tirer certaines personnes, hafidhakumullah min dhalik, vers le feu de l'enfer. Bref, l'homme yawm al-qiyamati, il ne sera et n'aura de valeur que par ses œuvres. Donc l'islam est là pour montrer l'égalité entre les hommes et que la personne qui veut vraiment se démarquer, il devra accomplir donc les bonnes œuvres en accomplissant ce que le prophète a ordonné de faire et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Et même le fait d'être très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est d'aucune utilité si cela n'est pas accompagné de bonnes œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre dans surat al-Shu'ara son verset où il dit « Wa anvir ashirataka al-aqrabin » C'est-à-dire « Ô Muhammad, avertis tes proches parents. » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait comme ordre d'Allah de commencer son appel à l'islam par les gens les plus proches. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela est rapporté dans le Bukhari au Muslim, lorsque ce verset est descendu, il s'est alors levé et a appelé les gens de Quraysh en leur disant « Ya Abda Bani Manaf, ishtaru anfusakum la urni ankum min Allahi shi'a » C'est-à-dire « Achetez vos propres âmes par les actes, car je ne vous serai d'aucune utilité yawm al-qiyam. » Ya Abbas, ya Abbasu ibn Abd al-Muttalib. Ô Abbas, il parle à son oncle, sallallahu alayhi wa sallam. Achète ton âme, car je ne posséderai pour toi, yawm al-qiyama, rien pour te sauver. Et il dit également, ya Safiyatu, ammat rasulillah. Il parle à sa tante, Safiya, en lui disant, ishtari, nafsaki. Min Allah fa inni la urni anki min Allah shi'a, car je ne pourrai ne t'être d'aucune utilité yawm al-qiyama. Et il a fini par qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Par sa propre fille. Il a dit ya Fatimatu binta Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ishtari nafsaki min Allah subhanahu wa ta'ala wa salini min mali ma shi'ti fa inni la urni anki min Allah shi'a. C'est-à-dire, demande-moi même ce que tu veux de ce que je possède dans ce bas monde, mais dans l'au-delà, je ne te serai d'aucune utilité. Et les musulmans sont les premiers, ils appliquent ce point d'égalité entre les gens sans s'en rendre compte, plusieurs fois par jour. Par exemple, la prière. Pour la prière, nous nous mettons tous en rang, collés les uns les autres. Est-ce qu'il y a des gens ici qui méritent plus que d'autres le premier rang? Est-ce qu'il y a une catégorie de personnes, une personne grande, petite, une personne qui possède un pouvoir, qui mérite plus que les autres le premier rang? Non, celui qui vient le premier, il est celui qui mérite le plus le premier rang. Également au pèlerinage. Au pèlerinage, tous les musulmans se retrouvent à un seul et même endroit. Les pauvres, les riches, les hommes, les femmes, les dirigeants et les dirigés. Tous se retrouvent face à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucune hiérarchie dans le hajj. Il n'y a également aucune hiérarchie dans la mosquée. Celui qui veut être en haut de la hiérarchie, c'est par les bonnes œuvres. Dixièmement, Et c'est le dernier point, inshallah, on va finir par cela. L'islam, dinu al-rahmati wa al-ra'fah. Yaqul Allahu azza wa jalla wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. L'islam est une religion de miséricorde. L'islam est une religion de miséricorde. Allah dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous ne t'avons envoyé que telle une miséricorde pour l'univers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour l'univers. Et vous retrouverez dans l'islam que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à faire preuve de miséricorde, de pardon et de bonté avec toutes les choses, avec les humains, avec les animaux et même avec les, avec toute la nature. Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, en ce qui concerne les humains, il dit وَخْفِرْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, c'est-à-dire pose ton aile, c'est-à-dire l'aile de la miséricorde pour tous ceux qui te suivent parmi les croyants. Allah dit également فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, c'est-à-dire l'orphelin ne le repousse pas avec force. Et l'islam, vous trouverez qu'il demande toujours d'être proche des gens vulnérables et faibles. Allah, il ordonne à son prophète de patienter avec les gens dans le besoin et les faibles. Il lui dit وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, patiente avec ces gens-là. Même si ces gens-là, tu peux les trouver apparemment parmi les plus faibles sur terre. Les gens qui sont dans les mosquées, parfois c'est des gens qui n'ont aucun pouvoir, qui ne possèdent aucune supériorité, mais il faut malgré cela que le musulman patiente avec ces gens-là, car c'est en restant avec ces gens-là que le musulman, bi'idhnillah, atteindra donc son but qui est le paradis. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن ابن علي رضي الله عنهما وعنده رجل اسمه الأقرع ابن حابس فشاهد الأقرع رضي الله عنه هذا المشهد من النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل الحسن رضي الله عنه فقال له لي عشرة من الأولاد أنا عندي عشرة ديال الأولاد وما قبلت منهم أحدا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم من لا يرحم لا يرحم فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى تقبيل الأطفال رحمة سمى تقبيل الأطفال رحمة. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté dans le Bukhari au Muslim, il était en compagnie donc de Al-Hassan, son petit-fils, et il l'a embrassé, comme le fait chacun des parents. Il y avait alors un homme qui s'appelle Al-Aqra ibn Habis, radiallahu an, il a été surpris de cela. Il a alors dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je possède 10 enfants. Et je n'en ai jamais embrassé un seul de ma vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en lui disant Man la yarham, la yurham. Celui qui ne fait pas preuve de miséricorde, il ne méritera pas la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qad hana li waqt salat al-isha sallallahu ta'ala an yuwaffiqana lima fihi rida. وأن يختم لنا بالصالحات وأن يرزقنا الإخلاص في أعمالنا كلها وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يبارك لنا فيما علمنا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.